Il disait que j'étais la femme de sa vie. Il disait que je m'inquiétais pour rien, pour rien. Il m'a même juré qu'elle n'était qu'une amie. Mais au fond de moi, j'ai tout compris. Mais voilà, aujourd'hui, ces mensonges se sont répétés. Je suis habitué. Mais voilà, aujourd'hui, ces promesses se sont envolées. Je suis habitué. Mais voilà, aujourd'hui, ces paroles m'ont encore blessé. Je suis habitué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Tu disais qu'il t'avait redonné envie. L'amour, mais aujourd'hui tu fuis. Je ne le laisse que pas gâcher ton avenir. Oh, sois forte et suis-moi, je t'en supplie. Car mon cœur malheureux voudrait tant se réchauffer à tes côtés. Car mon âme depuis peu pense avoir trouvé sa moitié à tes côtés. Tous mes vœux refoulés sont sûrs de se réaliser. À tes côtés, à tes côtés, à tes côtés, à tes côtés. Oh, dans les yeux ce soir, dis-lui bye bye. Cette histoire maintenant, c'est du passé. Auprès de toi, mon cœur s'emballe. Avant de penser à nous, je sais. Tous ces moments qu'il reste à partager. Partager, yeah. Sont pour toi, bébé. Sont pour toi, bébé. À tes côtés. À tes côtés.